Bienvenue à toutes et toutes dans la Vampire Freaks numéro 14. Excellente soirée. Ce soir, ça va envoyer du gras devant le tas de bois. Punk, rock alternatif, ska, reggae et même du sound system. On commencera cette soirée avec L'Aventurier d'Indochine. C'est aussi le titre de l'album sorti en 1982. On y retrouvait L'Aventurier, une reprise de L'Opportuniste de Jacques Dutronc et Dr Love notamment. On continuera avec AC/DC et le titre Playball de l'album Rock or Bust sorti l'année dernière. Un excellent album avec des titres comme Rock or Bust, Playball, Misadventure, entre autres, et Dog of War. Je diffuserai ensuite This Could Be Anywhere des Dead Kennedys de l'album Frank and Chris sorti en 1985. On retrouve aussi sur cet album Hell Nation, A Growing Boy Needs His Lunch. Je passerai ensuite La Vie de Bohème de L'Homme Parle tiré de l'album En Avant paru en 2013. On peut entendre En Avant, À Table, Rêve de Gosse, un très bon album. Il travaille sur un nouvel album, hâte d'entendre et de vous le faire découvrir. Et on finira ce bloc en live avec la Mano Negra et la Ventura de l'album Tournée Générale en live à Pigalle en 1990. Il y avait tous les classiques de la Mano Negra sur ce live. makes a scary kind of illness to design a place like this for pain. The town's an endless generic mall of video games, the fast food chain. One by one, the little houses are picked up and condemned. I said I had to move before the rats moved in. This could be a we'll be right back. mais ça en vaut la peine. Désolé mon amour, on est loin de la vie de château, on vit au jour le jour. Toi et moi sur un radeau, je roule pas dans une grosse voiture. J'ai pas de quoi payer les factures, balancer des rimes en l'air, c'est tout ce que je sais faire. Et si parfois je perds espoir, ne m'écoute pas, poursuis ton chemin. La vie de bohème, c'est tout un art, je t'aimerai toujours demain matin. On peut bien perdre notre emploi, de toute façon, qu'est-ce que ça changera? C'est déjà un peu la dèche, on vit d'amour et d'eau fraîche. Et si tu veux de moi, je t'emmène, je n'ai pas grand-chose, juste une vie de bohème. Et si tu veux de moi, je t'emmène, c'est pas la vie en rose, mais ça en vaut la peine. Je reste bravement debout, pendu doucement à ton cou, et l'un contre l'autre comme ça, rien ne nous résistera. C'est la vie qui va qui vient, au gré des intempéries. Fais plaisir avec tes riens, comme deux amoureux en sursis. La vie de bohème, c'est quoi? C'est tenir l'amour dans ses bras, c'est perdre son temps gentiment, faire tous les jours comme deux amants. Et quand la bourse dégringole, on passe notre journée sous les draps. On n'a pas le choix, on en rigole. Je te regarde et j'oublie tout ça. Hey, hey. Et si tu veux de moi, je t'emmène, je n'ai pas grand chose, juste une vie de bohème. Et si tu veux de je t'emmène, c'est pas la vie en rose, mais ça en vaut la peine. La vie de bohème, c'est pas un jeu, c'est la réalité vraie, même pas peur. C'est mes chansons que personne ne veut, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Je fais des conneries, je suis qu'un humain, toi tu me regardes comme un enfant. Ouais, tu t'en fous de savoir la fin, et tant qu'on s'aime, c'est le printemps. Vas-y, serre fort ma main, pour une aventure incertaine. Ne te soucie pas du lendemain, on en a vu d'autres, on reste zen. J'ai pas grand chose à t'offrir, à part mon âme et mon sourire. Donne-moi ton cœur, je le prends, viens croquer. Mais ça en vaut la peine. Mais si tu veux de moi, je t'emmène. Je n'ai pas grand chose, juste une vie de bohème. Mais si tu veux de moi, je t'emmène. C'est pas la vie en rose, mais ça en vaut la peine. Thank you. Qu'est-ce qu'il est bon ce live de la Mano Negra, tournée générale. On continuera cette 14e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon avec Arnaud et son titre « Je veux nager » de l'album Charles Ernest sorti en 2002. C'est mon album préféré d'Arnaud. Sur cet album, on peut y entendre Lola etc, Mother Little Helper et une super reprise d'Elisa de Serge Gainsbourg. Sur cette reprise, Arnaud chante en duo avec Jane Birkin. Je vous proposerai ensuite « Assis sur le toit du monde », le dernier titre de Madame Guillotine. C'est sur l'album Arctic 35, sorti cette année, un magnifique album. Allez faire un tour sur la page Facebook de Madame Guillotine. On poursuivra avec « Mein Herz brennt » de Rammstein. C'est sur l'album Mutter, paru en 2001. Que des tubes sur cet album. Zone Ishville, Mutter et Firefly, dont le clip est tourné sur le tournage de Triple X avec Vin Diesel. Tiens, puisque ce soir encore, j'ai fait une prog bien musclée, il va y avoir du sport avec Silmarils sur l'album Vega 76, sorti en 2000. On retrouve sur cet album Rock With It, You Want Me et Je Ne T'en Veux Pas, entre autres. On finira ce bloc en live avec Scapé et Casposos du live Incontrôlable, enregistré à Paris en 2003. Il y a tous les classiques de Scapé dessus, Nino Sonaldo, Planeta Escoria, Ala Mierda et Cannabis évidemment. Tu penses que les femmes m'adorent? Tu penses que mon nez n'est pas trop grand? Tu penses que je suis intelligent? Tu penses que je pense? Et moi je veux nager encore une fois avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme n'est pas là. Je suis pas James Bond. Tu penses que être une star? Tu penses que je suis assez beau? Tu penses que j'ai une tête de veau? Et moi je veux nager encore une fois avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme n'est pas là. Tu penses que je suis pas trop petit? Tu penses que je peux être heureux? Tu penses que je vais mourir? Tu penses que je dis des conneries? Et moi je veux nager encore une fois avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme n'est pas là. Oh, moi j'aime Dieu, mais je fais ce que je veux. J'adore Hollywood, j'aime l'été à Saint-Tropez. Oh. Et moi je veux nager encore une fois avec toi. Et moi je veux nager. Ma femme, elle n'est pas là. Oh. Et moi je veux nager encore une fois avec toi. Et moi je veux.

aus dem Kissen. Ich hab euch etwas mitgebracht. Hab es aus meiner Brust gerissen. Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augenlider zu erpressen. Ich singe, bis der Tag erwacht, ein heller Schein am Firmament. Mein Herz brennt! Va y avoir.

apariciones de Cristo y de la Virgen. Apariciones que son la puta presión. Te venden litros de agua bendita y muchas estampitas que debo estar en cojón. Algunos dicen que no cobran dinero, pero te obligan a pagar la voluntad. Estos cabrones no pisan los tribunales, sacándole dinero a los enfermos terminales. Hay que joderse lo que piensa la gente por no ponerse en mono y comenzar a trabajar. Vienen del más allá, vienen del más allá. Vienen del más allá, vienen del más allá. Vienen del más allá, vienen del más allá. Hay gentuza que no se merece ni la leche maternal. Debería de estar en tratamiento en una clínica mental. El talento se llena de inocentes y ellos se libertan. Son estafadores con total impunidad. Son estafadores con total impunidad. Son estafadores anormales, anormales, anormales, anormales, anormales. Uca, uca, uca, uca, uca. Bouge prêt. Qu'est-ce qui se passe Paris? Bouge prêt. N'écoutez pas. Bouge prêt. Hasta la victoria siempre. Il est excellent ce live incontrôlable. On continuera cette belle soirée avec Roots, Bloody Roots de Sepultura, de l'album Roots, paru en 1996 et hérédité en double CD en 2001. C'est le dernier album du groupe où Max Cavalera emmène le chant. Il a fondé par la suite Soulfly. Sur cet album, on peut entendre Attitude, Born Stubborn et Ambush, entre autres. On poursuivra avec La Blanche Hermine par les Ramoneurs de Menhir. À la base, c'est un morceau chanté par Marc Servat en 1972. Les Ramoneurs ont repris le thème Les Mineurs en Danger des Bérus. Et oui, le guitariste, c'est Laurent Berru. Et pour finir, La Blanche Hermine, c'est le surnom de Anne de Bretagne. On continuera avec Strict Minimum de Charge 69. C'est sur l'album Résistance Électrique, paru en 2011. Je passerai ensuite Linton Kwesi Johnson et son titre Five Nights of Bleeding, tiré de l'album Dread Beat and Blood. C'est son deuxième album de LKJ et il est sorti en 75. Il est né à Chapelton en Jamaïque, mais très tôt il a rejoint sa famille en Angleterre. Il a fait partie des Black Panthers et il est l'inventeur de la dub music. Et on finira ce bloc avec Fier de ne rien faire, des vents passent en live du Never Trust Live sorti en 2003.

enlève des besoins sans feu. Pas de futur pour demain. On s'entasse sans place. Des microscopiques à base. Trop petit, trop petit. Trop mini, plus de vie. Trop petit, trop petit. S'intercer dans un monde trop étriqué. No! Et la culture minimale se met à l'antestal. Nouvelle dictature, l'âge de la miniature. Mini-logement, la logique de l'emplacement. Un monde de plus en plus petit. Sans place pour la vie. Trop petit, trop petit, trop réduit. Trop mini, plus de vie. Trop petit, trop réduit. On finira tous entassés dans un monde trop étriqué. Putréfaction qui nous rapetisse nos ambitions. Forcer libre une action, la miniaturisation. Nous voulions le maximum, pas la loi du minimum. Le monde est à notre image. Une bien petite case. Trop petit, trop réduit. Trop mini, plus de vie. Trop petit, trop réduit. Madness, madness, madness tight on the heads of the rebels. The bitterness erupts like a hot blast. Broke glass, ritual of blood on the burning. Served by a cruel fighting. 5 nights of horror on the bleeding. Broke glass, gold blades as sharp as the eyes of hate and the stabbings. It's war amongst the rebels. Madness, madness, war. Night number one was in Brixton. Soprano B sound system was a beating out a rhythm with a fire. Coming down his reggae, reggae wire. It was a sound shaking down your spinal column. A bad music tearing up your flesh. And the rebels them start a fighting. It's war amongst the rebels. Madness, madness, war. Night number two down at Shepherd's, right up Railton Road. It was a night named Friday when everyone was high on brew or drew. A pound or two worth of Cali. Sound coming down Neville King's music iron. The rhythm just bubbling and backfiring, raging and rising, when suddenly the music cut. Steel blade drinking blood in darkness. It's war amongst the rebels. Madness, madness, war. Night number three, over the river, right outside the rainbow. Inside, James Brown was screaming soul. Outside, the rebels were freezing cold. Babylonian tyrants descended, pounced on the brothers who were bold. So with the flick of the wrist, a jab and a stab, the song of blades was sounded. The pile of oppression was vomited, and two policemen wounded. Righteous, righteous war. Night number four at a blues dance. A blues dance. 2 rooms packed and the pressure pushing up. Hot, hot heads. Ritual Puddle of blood in a blues dance. Broke glass, splintering fire. Axes, blades, brain blast. Rebellion rushing down the wrong road. Storm blowing down the wrong tree. And Leroy bleeds near death on the fourth night. In a blues dance, on a black rebellious night. Madness, madness, war. Night number five at the telegraph. Vengeance walk through the doors. So slow, so smooth, and so tight and ripe and smash. Broke glass, a bottle finds a head and the shell of the fire hurt cracks. The victim feels fear, finds hands, holds knife, finds throat. Stabbings and the bleeding and the blood. It's war amongst the rebels. Madness, madness, war. Fous ces vampas et c'est pour ça qu'on les aime. Vous écoutez toujours la Vampire Freaks numéro 14 sur votre radio favorite chaque semaine à la même heure. On ira faire un tour au Québec avec The Prowlers et le titre My Vote. C'est tiré d'un vinyle split avec The Oppressed sorti en 2015. On s'écoutera Te Olvidas de Matarme al Nacer de Chaos Urbano. C'est aussi le titre de leur album paru en 2011. Ils sont espagnols comme Scapé. Sur cet album, on peut entendre Entre las sombras, Te Olvidas de Matarme al Nacer et Maldición, entre autres. Je diffuserai le grand classique de Trust, préfabriqué de l'album Trust, paru en 1980. On continuera sur un coup de cœur, les Vins de Long Riff et le titre Vins de Long Rifle. Ils sont de Saint-Brieuc, existent depuis 2007. Ils ont fait plus de 250 dates dans toute la France et ils ont sorti un album à bout portant en 2011. La version CD est épuisée, mais vous pouvez commander encore la version 33 tours et yes, ils bossent aussi sur un nouvel album. Allez sur la page Facebook de Vins de Long Riff et on finira ce bloc en live avec Moonlight Drive des Doors de l'excellent live à l'Hollywood Bowl en 1968. Et dans le grand classique de Light My Fire fait 9 minutes 26, show à diffuser à la radio. We'll be right back. nacer. We'll be right back. I miss you forever. Let's swim to the moon. Let's climb through the tide. Penetrate the evening that the city sleeps too high. Let's swim out tonight, love. It's our turn to try. Heart beside the ocean on our moonlight drive. Qu'est-ce qu'il est bon ce live des Doors. Vous écoutez toujours la Vampire Freaks numéro 14 sur votre radio favorite. On continuera cette soirée en live avec Bob Marley and the Wailers et le titre Jamming, c'est sur le Live at Rainbow en 1975. Oh, on y retrouve I Shot the Sheriff, Lively Up Yourself. Je diffuserai ensuite Don't Look Back des Slakers, c'est sur l'album The Great Rock Steady Swindle sorti en 2010. Je diffuserai d'autres morceaux de cet album et on reparlera d'eux. Sur cet album de Great Rock Steady Swindle, on peut entendre How It Feel, Mr. Tragedy, A Long Way Off, entre autres. Tiens, j'ai envie de Sound System. On va s'écouter Massilia Number One de Massilia Sound System, extrait de l'album Massilia, sorti l'an dernier. Pareil, je diffuserai d'autres extraits de cet album. On s'écoutera ensuite les copains de Noidem avec leur titre Take It Away de leur album qui s'appelle Album, sorti en 2014. Je l'adore, cet album. Et l'album et l'EP de Lending sont en téléchargement gratos sur la page officielle du quatuor parisien noidem.com. On a commencé ce bloc en live, alors on le finira en live avec les Apaches et leur titre Les Bourgeois de leur album live des 10 ans du groupe en 2004. Ils ont sorti leur premier album en colère en 1999. We'll be right back.

jamais pareil à Copenhague. Ils ne savaient pas qu'il fallait mettre de l'aigle. Même à Bombay, ils ont tenté de nous tester. Avant de tomber, ils criaient Massilia Namasté. Les Bretons et les Ch'tis ont fini écarlate. Même les Brésiliens sont repartis à quatre pattes. Un jour au fond de l'Ariège, un Rasta nous a dit: Massilia, respect, vous avez tombé Massensi. Il n'y a que les Corses qui nous donnèrent du mal. Mais au petit matin, ils chantaient tous en provençal. De Marseille en Borée, même en Mongolie. Quand tu diras bonjour, on te criera Aioli. Au micro, au stylo, au Mikey, au Saï. À l'apéro, au niveau, Massilia number one. En amour, sans détour, à la danse, la cadence, au ballon, t'es pas bon. Massilia number one, aime pas toi, ben fracas. Aussi dans le Feuerwehr, qui l'impecte, c'est la saga. Massilia number one, in English, en Scottish. Andy Ball, Farandole, à l'arnaille, pour le roi. Massilia number one. Au micro, au stylo, au Mikey, au Saï, à l'apéro, au niveau, Massilia number one. En amour, sans détour, à la danse, en cadence, au ballon, t'es pas bon. Massilia number one, aime pas toi, ben fracas. Aussi dans le Feuerwehr, qui l'impecte, c'est la saga. Massilia number one, in English, en Scottish, Andy Ball, Farandole, à l'arnaille, pour le roi. Massilia number one. Massilia number one, ben yo kulla gitana. Massilia number one, ben yo kulla savana. Massilia number one, ben yo kulla gitana. Massilia number one, ben ruser de la douane. Massilia number one, pour te bouger la guana. Massilia number one, à l'ombre des platanes. Massilia number one, pour chasser la chavana. Massilia number one, distraire ta montagne. Au micro, au stylo, au Mikey, au Saï, à l'apéro, au niveau, Massilia number one. En amour, sans détour, à la danse, en cadence, au ballon, t'es pas bon. Massilia number one, aime pas toi, ben fracas. Aussi dans le Feuerwehr, qui l'impecte, c'est la saga. Massilia number one, in English, en Scottish, Andy Ball, Farandole, à l'arnaille, pour le roi. Massilia number one. Massilia, qui vend ce qu'on vous dit, vous enculez le petit bourgeois de merde. Les bourgeois. Tu marches dans la rue, mais tu portes tes voix. Tout soit chez les culs, les petits bourgeois. Tu leur manques une pièce, ils ne répondent pas. Là, les bonnes manières, ils les connaissent pas. Cette émission touche malheureusement à sa fin. J'ai été ravi de passer cette soirée en votre compagnie. Et à bientôt pour une prochaine Vampireflix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. J'ai promis il y a quelques semaines de passer la version intégrale du générique de votre émission favorite. Alors je vous laisse avec Darkoustics et Vampireflix. C'est l'extrait de l'album Faber sorti en 2013. Il est en écoute sur toutes les plateformes légales. Encore merci de partager tous ces moments radio ensemble. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et n'oubliez pas, Vampireflix, c'est l'émission radio où Spike de Morchaine 43 débarque dans votre salon. Salut à toutes et tous, la tribu.